au téléphone notre première invitée, c'est Andrea Lardès. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Félicitations déjà. Ouais, bah, merci, c'est gentil. Je m'excuse pour la voix. Ouais. Non, mais c'est normal. Apparemment, vous n'avez pas fêté ça, quoi. Voilà, j'ai un peu chanté, donc bon, j'ai laissé ma voix dans le bus. Eh oui, non, mais du coup, c'est ça le truc, c'est que je crois que vous êtes rentré en train, c'est ça? Ouais, enfin, on est rentré en train, on a pris le métro à Paris, enfin, c'était un déplacement quand même, il nous arrive toujours plein d'aventures, donc ça a clôturé l'année. Peut-être que vous n'avez pas un bus à votre disposition, un bus ou un avion ou comme les autres ou pas? Bon, un avion, je sais pas. Exceptionnellement, le déplacement était prévu en train, je pense qu'il valait peut-être mieux qu'en bus. Mais exceptionnellement, on l'a fait en train. En bus, c'est long. Il pense à la planète. Alors, ouais, Bordeaux Club Écolo. Alors, Andrea, tu as 23 ans. Oui. Arrière droite de base, c'est ça? C'est ça. Mais t'as été un petit peu... baladé. Le caméléon. Voilà, t'as été un petit peu partout cette saison. Milieu, t'as fait milieu défensif, 8, milieu droit, milieu gauche. Enfin, tu t'es un petit peu promené un petit peu partout sur le terrain. Déjà, juste première question, est-ce que c'est... déstabilisant, un petit peu perturbant, ou t'arrives bien à t'adapter à ce qu'on te demande et ça te... Ouais, c'est un peu perturbant, enfin, j'en ai parlé avec le coach, hein. C'est un peu perturbant pour moi dans le sens où il faut quand même parfois un petit temps d'adaptation quand même au poste, surtout à ce niveau-là. Après, je dépanne, si on me demande de jouer à ce poste-là, il n'y a aucun problème, je le fais pour le groupe, je le fais pour l'équipe, donc il n'y a aucun souci. Moi j'ai une question, alors puisque tu es une historique de l'équipe Blancofort, oui. Donc voilà. Oui. Un niveau comparatif de joie, la montée ou le maintien d'hier? Très bonne question, c'est la question que je me suis posée avec les filles d'ailleurs hier soir. Je pense qu'on a encore en tête cette montée quand même, qui pour nous était vraiment un de nos objectifs principaux, puisqu'on avait quand même un groupe qui vivait ensemble depuis déjà presque 6 ans. Donc c'était vraiment l'aboutissement de quelque chose qu'on connaissait. On a vécu une saison formidable avec plein de victoires. Le maintien acquis hier est un peu différent. On a eu une saison qui était un peu plus compliquée. Mais voilà, je retiens surtout la joie de la montée. Mais c'est vrai que la joie du maintien hier était quand même très particulière. On en a tous profité. Ça démontre quand même une force mentale du groupe. Parce que finalement... peu de monde. Il faut rappeler qu'à 3 journées de la fin, ça sentait pas bon quand même. On a reçu Elisa Launay la semaine dernière. Oui. On a reçu Elisa Launay la semaine dernière. À part les joueuses des Girondins, il n'y avait quasiment que vous qui y croyez. Et les supporters. Et les supporters. Mais... Et encore, la semaine dernière, elles se sont rapprochées de Saint-Etienne. C'était avant le match de Marseille. C'était presque sûr d'être condamné. Non, mais c'est pas presque sûr. Mais au final, c'est quand même quelque chose de très, très motivant. En toute honnêteté, Andrea, juste avant les 3 derniers matchs, est-ce que vous y croyez encore? Ou est-ce que réellement vous vous êtes dit, allez, il y a moyen de faire quelque chose, mais vous vous êtes dit ça avant Paris, ou est-ce que vous l'avez dit avant? Alors, je ne veux pas parler à la place de toutes les filles, mais je sais qu'on en a pas mal discuté, et non, on savait, enfin, après Albi, bon, on a pris un gros coup derrière la tête après Albi, puisque tout le monde nous parlait du match d'Albi comme une échéance butoir, mais on savait qu'il restait des matchs, on savait qu'on réussissait à se surpasser et à faire nos meilleurs matchs contre des grosses équipes. Donc, non, on n'a pas lâché, on a continué à s'entraîner. Je pense que la trêve, le petit mois qui a suivi Albi jusqu'au match de Lyon, nous a permis de vraiment nous remettre en question, de nous remettre à travailler, de repartir sur une bonne base pour les 4 matchs qui restaient. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi. Le commencement, c'est le bon match fait contre Lyon malgré la défaite, ou c'est la victoire contre Marseille? Non, le bon match contre Lyon à Libourne, je pense que ça reste le déclic. On s'est rendu compte qu'on pouvait accrocher n'importe quelle équipe. Il suffisait qu'on soit tout ensemble dans un système et dans une façon de jouer qui nous convenait. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire à Marseille et qui a fait que du coup, on a pu obtenir ce résultat-là. Oui. J'aurais une question pour tout à l'heure, mais je vais rester sur Paris. Vous y êtes allé en train et vous êtes rentré en train, c'est à peu près ça le délire. C'est ça. Voilà. Comment ça se passe l'aller? Il doit y avoir quasiment 4 heures de train. Chacun était concentré déjà sur son match, vous étiez totalement ailleurs et vous êtes dit on verra ça une heure avant la rencontre et pour l'instant on se libère. Comment s'est passé ce voyage? Non, mais pas du tout en fait. Je pense que c'est notre plus grosse qualité, c'est que même moins d'une heure avant le match. À partir du moment où on rentre sur le terrain pour l'échauffement, c'est à ce moment-là qu'on arrive vraiment à se mettre dedans. Mais sinon, jusque dans le vestiaire, on garde le sourire. On était souriante, on chantait, on mettait la musique, on faisait les photos. On a rigolé ensemble et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on arrive vraiment après à basculer et à se mettre dans un état d'esprit suffisant pour le match. Mais non, le voyage à l'aller s'est très bien passé. On jouait aux cartes, on rigolait, on regardait des films. Et voilà, tout le week-end s'est passé comme ça. Tous les deux jours, ça s'est passé comme ça. En fait, vous avez réussi à vous mettre une sorte de... Même pas une pression, c'est on n'a rien à perdre, on va essayer le tout pour le tout. Et c'est ce que doivent faire tous les clubs qui jouent le maintien. Voilà, c'est plutôt l'idée. Ouais. Puis là, après tout, ça ne dépendait pas que de nous. Nous, on devait faire un exploit, mais on était quand même en attente du résultat de Saint-Etienne. Donc dans tous les cas, la pression ne reposait pas nécessairement sur nos épaules. Donc on a joué le tout pour le tout, comme sur les derniers matchs. Là, on va parler un peu plus du match. Vous menez 2-0, je crois, à la 75e minute, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous faites remonter à 2-2, il reste 10 minutes de jeu. Elles sont pas longues, les 10 dernières minutes, là ? Est-ce que vous étiez au courant sur Saint-Etienne ? On a demandé à l'arbitre, du coup, de s'y faire rapidement. Enfin, le Christophe Lebanc était déjà debout. Nous, sur le terrain, on avait déjà connaissance du résultat de Saint-Etienne. Le temps additionnel qui était censé durer 4 minutes nous a paru durer une éternité. On a enchaîné les coups de pied arrêtés, sachant que c'est pas du tout notre qualité première et qu'elles ont quand même en face des très, très grands gabarits. Alors non, on n'était pas sereines, mais bon, on a su rester solidaires et costauds défensivement. Quand vous vous faites remonter à 2-2, Saint-Etienne n'est pas encore terminé. Non. Qu'est-ce qui se dit dans votre tête ? Parce que quand on gagne et qu'on sait que Saint-Etienne de l'autre côté perd, on sait que pour que ça soit malencontreux pour nous, il faut soit qu'il y ait un nul et nous aussi, et ou alors qu'elle arrive à gagner. Quand vous êtes arrivé à 2-2, vous n'êtes pas dit, mais si jamais Saint-Etienne met un but, on a l'air con ? Bah, en fait, si. Et le premier réflexe qu'on a eu sur le terrain, du coup, c'était de se tourner vers le banc pour avoir des indications sur ce qui se passait à Saint-Etienne. Sauf qu'on n'a pas forcément eu les réponses du banc qu'on attendait. Du coup, on ne savait pas trop quoi faire, si on devait tenter le tout pour le tout et vraiment aller de l'avant, ou si justement on essayait de tenir ce match nul. On a fait comme on a pu. De toute façon, Paris a vraiment poussé. Paris voulait gagner. Et du coup, on a fait comme on a pu. Et c'est peut-être 30 ou 30 secondes ou 8 minutes avant la fin qu'on a vu que sur le banc, il était déjà debout et qu'on a compris que du coup, à Saint-Etienne, c'était fini. Ça s'est fini 2-3 minutes avant la fin de notre match. Du coup, là, on a compris que c'était bon pour nous, quoi. Au moins, là, elle a dit que Paris poussait jusqu'à la fin. Ça met fin, vu que j'ai vu des supporters stéphanois qui disaient, qui commençaient à faire les complots, vu que Patrice Lhaire est un ancien Lyonnais, en disant « Oui, il va tout faire pour que Saint-Etienne descende. » Alors déjà, Saint-Etienne avait son destin entre les mains. Et puis là, ce qu'elle dit, c'est que le match, les Parisiennes ont poussé jusqu'au bout. Et puis même la compo des Parisiennes au début du match, c'était loin d'être ridicule. Tu disais, vous vous posiez la question de savoir si vous alliez attaquer pour essayer de gagner le match au cas où que Saint-Etienne égalise. Réellement, vous auriez pu attaquer parce que ça veut aussi dire mettre le pied sur le ballon, prendre le jeu à son compte. Contre Paris, ça doit pas être évident. Et quand on se fait prendre deux buts coup sur coup et qu'on menait 2-0, qu'on vient à 2-2, ça doit être difficile. Est-ce que réellement vous pensez que vous pouviez mettre le pied sur le ballon et partir à l'attaque ? Bah, on pensait surtout pouvoir au moins jouer les coups offensivement, surtout que les changements de notre côté ont été plutôt offensifs. Donc du coup, on s'est dit, bon, s'il y a quelque chose à faire, éventuellement nous deux, puisqu'on joue dans un système où on était à 3 derrière et 5 ou 3 derrière, et du coup 2 sur les côtés. On s'est regardé en se disant, s'il y a besoin, nous, on va rester très très haute et aller vraiment les chercher très très haute dans leur camp pour pouvoir obtenir quelque chose et peut-être sur un coup de pied arrêté ou quoi, faire monter vraiment tout le monde. On a tout envisagé, je pense, dans les 3-4 minutes qui ont suivi le deuxième but. Mais bon, effectivement, c'est compliqué. Paris a vraiment, vraiment poussé, a commencé à jouer plus long pour arriver dans notre dos avec du coup des filles qui avaient un impact physique vraiment énorme. Donc non, franchement, c'était très compliqué. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui te pose une question. Comment pensez-vous vous améliorer par rapport à l'année prochaine ? Comment vous allez faire pour assurer ce maintien un peu plus rapidement ? Ou faire beaucoup mieux que le maintien ? Ou peut-être, mais oui. Oui, j'espère qu'on fera une saison comme ça avec du suspense jusqu'à la dernière minute. Non, très bonne question. Bah, je pense que le club va réfléchir à la question. Je pense que déjà nous, cette saison nous a permis de beaucoup apprendre, notamment du coup ce dernier mois qui a été assez mouvementé. Et je pense que déjà pour le groupe qui est actuellement là, on a déjà beaucoup beaucoup progressé, que ça va nous servir pour l'an prochain. Et après, ben, j'imagine que le club va compter peut-être plusieurs recrues d'expérience pour venir apporter ce petit plus qui peut-être nous a manqué sur les matchs un peu plus décisifs. Il y a une grosse différence de niveau entre le niveau de la saison passée, donc en division 2 et la division 1. Alors, Paris et Lyon sont vraiment au-dessus, mais après, est-ce qu'il y a vraiment un monde entre des clubs de moyen bas de tableau Ligue 1 et la Ligue 2? Toute la difficulté en fait qu'il y a entre la D1 et la D2, elle vient du fait qu'il n'y ait pas de ligue vraiment entre la DH et la D2. Du coup, en D2, souvent on a une poule qui est très déséquilibrée avec des équipes qui ont un niveau vraiment régional. Et il y a quelques bonnes équipes quand même. Je pense que le niveau est en train de se. Voilà, le niveau avec la D1 est en train de se resserrer. Mais oui, il y a quand même une sacrée marche, notamment sur le plan physique, sur le plan athlétique et le plan technique. On sent quand même une très grosse différence. Oui, il n'y a pas l'équivalent de ce que ont les masculins de National, CFA, CFA2 pour monter non, petit voilà, à on petit. Non, voilà, on passe de la D2 à un niveau régional. Oui. Là, il y a une D2 qui est en train d'être créée, c'est ça? C'est vrai que la différence, ça fait la différence, ça doit être. Enfin, ne serait-ce que sur un plan sur les masculins, imagine, tu prends une équipe de DH, tu dis l'année prochaine, garçon, tu vas jouer en première division. Ouais, ça va faire bizarre. Marc, c'est un peu l'idée, ouais. On va pas te cacher les choses. On a un spécialiste du football féminin parmi nous qui s'appelle Emric et que vous avez souvent vu parce qu'il fait partie des Marines Blancs Île-de-France. Qui vous ont suivi toute la d'ailleurs, saison. D'ailleurs, il y a Antoine qui te passe le bonjour. Il a dit passez le bonjour à toutes les joueuses. Surtout à. On ne garde pas le surnom, mais. Ah oui. Surtout à Andrea. Oui, d'accord. Oui, il me l'a dit, c'est gentil. Oui, non, c'est vrai qu'ils nous ont suivis toute la saison et déjà la saison dernière. Donc, justement, comment vous ressentez l'engouement des supporters bordelais? Je vais le faire autrement. Je vais même te poser la question comme ça. Moi, personnellement, le football féminin, c'est pas quelque chose que je suis, non pas par envie, mais par temps, parce que suivre les pros et faire notre émission, etc. Sinon, après, je me fais frapper par ma femme quand je rentre le dimanche. Et puis même au niveau diffusion télé. Et la diffusion télé est compliquée. Mais franchement, ce qui s'est passé hier, au final, ce qui s'est passé ces derniers jours, l'engouement qui s'est créé autour du match. C'est hyper positif. Hein. Me donne envie de vous suivre l'année dernière. L'année prochaine. Je dis quoi là, saison dernière. Mais oui, bien évidemment. Et tu veux un spoil, ils vont réussir à se sauver à la dernière journée. Comment vous vivez, comment vous ressentez l'engouement? Est-ce que vous l'avez vu grandir? Est-ce que vous l'espérez plus important? Enfin, voilà. Déjà, le fait de passer pour nous qui étions à Blanquefort au Girondins, on a vraiment senti du coup un intérêt, que ce soit par exemple justement au travers des Marinés Blancs Île-de-France qui nous ont suivis sur beaucoup de déplacements, et que ce soit au travers de supporters ou de messages sur les réseaux sociaux, on a senti une réelle différence. Cette année avec la montée, pareil, c'est vrai qu'on a quand même des supporters qui nous sont fidèles, qui aiment venir nous voir, qu'on voit assez régulièrement, avec qui on discute et avec qui on échange fréquemment. C'est un gros soutien pour nous. C'est vrai que quand c'est pas évident, quand tout le monde nous tourne un peu le dos parce qu'on a l'impression que la saison est terminée, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a des gens qui y croient et qui sont là. Je pense que tous ceux qui nous ont vus jouer vont peut-être le dire. Ça n'a rien à voir avec du foot masculin. Ça va plus lentement. On n'a pas les mêmes qualités athlétiques. Peut-être que techniquement, c'est moins propre aussi. Par contre, on a cette énergie, on a cette volonté de bien faire et on a cette hargne que peut-être on nous envie ailleurs. Techniquement moins propre, je te rassure, parce qu'on a quand même vu des matchs l'année dernière, notamment parce que vous aviez joué au nouveau stade et que c'était sympa. Il y en a dans l'équipe qui ont largement le niveau technique de Poco, tu vois. Ou alors c'est Poco qui a le niveau technique. Non, justement, voilà. Oui, voilà. Il n'a pas de niveau technique. C'est suivant qu'un con. Juste pour parler un petit peu de toi, donc le sacré Emric, ou Rico, Bourrico sur Twitter, oui, nous a fait un petit descriptif de chacune. Ouais. Pour nous très aider, drôle. D'ailleurs. On était à deux doigts d'ailleurs si vous aviez pu venir à devoir faire un diaporama, etc. Enfin, un tubinoscope et tout, c'était la galère. Non, petite description sur toi. Alors, C'est vrai que c'est assez difficile les niveaux stats chez les féminines parce que ben, y en a pas. Mais c'est sans doute la meilleure passeuse de l'équipe sur la saison avec genre 5 galettes. Dont celui-ci sur le tout premier but en 2016-2017 contre Marseille. Niveau parcours, c'est une historique à l'aide de Blanquefort, ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle a vu le club changer, elle a participé à sa progression, à la montée, au maintien très combatif, mais genre très combative. Court partout, tac tout le temps, je la kiffe. Comment tu te décrirais, toi, en tant que joueuse? C'est un peu ce qu'il a essayé de décrire. C'est, en tant que joueuse, c'est tout à fait ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore en fait, t'es Michel Pavon, quoi. Qui adore progresser. J'adore courir, j'ai besoin d'espace. Je suis pas la plus grande technicienne de l'équipe, mais je suis plutôt la joueuse qui va être hyper collective et qui va faire un maximum d'efforts pour les autres parce que je compense justement ce petit défaut peut-être technique par les capacités athlétiques. Par contre, je pense que c'est la plus valeuse de toute l'équipe. C'est un profil nécessaire. Hein. Ouais, c'est indispensable un profil comme ça dans une équipe. Je connais pas une équipe de football, même le Barça, même le Real, qui n'a que 11. Si le Barça justement, il leur manque ça et. Oui, à la limite, quand il n'y a pas ce profil-là, en général, c'est que l'équipe ne marche pas. Tu préfères être comparé à qui? À Pavon, Eduardo Costa ou Toulalan? Ça se voit, je ne connais pas. Oula, c'est une question compliquée. Ou à une fille fille de l'équipe de France. Ouais, non mais là t'es gentil, tu m'en demandes trop. Oui, mais toi on s'en fout ça. Des noms de toutes les joueuses féminines de Bordeaux. Alors l'équipe de France encore plus dur. Mais pour avoir vu jouer tout la lance, ça correspond à peu près au style. Ça va être un jeu assez sobre qu'on remarque. Avec les cheveux blancs et pareil, tout y va avec. Ouais, exactement. Justement, on disait que tu avais été à Blanquefort. Comment tu as vu l'évolution parce qu'au final, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, je sais que tu pourras pas répondre à cette question parce que c'est trop embarrassant. Non, on la pose pas. Donc, c'est pas une question, mais ça mène la suite. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. C'est, on va dire, le fait que tout n'est pas des contrats pro. Et qu'on il y en a que deux qui ont des contrats pro. Ça me fait chier. Et puis, notamment, je sais pas, on peut filer 240 000 à des joueurs qui jouent pas au Girondins de Bordeaux chez les pros. On pourrait diviser le même salaire chez toutes les filles. Ça ne nous reviendrait pas plus cher. Mais comment t'as vu, Marc, même si vous n'êtes pas tout en contrat pro, comment t'as vu l'évolution entre Blanquefort, petite ville dans laquelle se trouve la radio, il y a plein de stades, mais il y en a certains des tout pourris, il y en a d'autres qui sont un peu mieux, à une infrastructure comme les Girondins de Bordeaux, avec une attachée presse, un directeur sportif, etc. Bah justement, justement en parlant d'attaché de presse, c'est surtout les rapports aux médias qui ont beaucoup changé, le fait qu'on soit quand même pas mal sollicité, surtout l'an dernier, puisque voilà, il y avait cet effet de nouveauté, le fait qu'on soit pas mal sollicité par les sponsors, par les médias, ça c'était quelque chose de très nouveau auquel on n'était pas du tout habitué. On a eu justement après le privilège de pouvoir jouer au nouveau stade, ça c'est des moments aussi qu'on n'aurait pas vécu en étant Blanquefort. Maintenant, on ne joue pas. Pour moi, mais moi je joue pas pour l'argent, change pas grand chose pour le moment à l'heure actuelle. Le changement, j'ai surtout vu vraiment autour de l'organisation et de l'engouement qu'il y avait autour de nous. Après, pour le reste, évidemment, c'était une augmentation du nombre d'entraînements, du nombre d'heures passées sur les terrains et des déplacements, mais ça, c'est le football. Avant de terminer, Adrien. Juste une question et qu'on posera sûrement à toutes les joueuses. S'il y avait une de tes joueuses préférées ou. Oui, une joueuse préférée de D1 ou de l'équipe de France. Et c'est tout, ça s'arrête à une certaine époque, j'aurais répondu Louise Anesib, mais elle joue plus. Donc à l'heure actuelle, je l'ai citée, c'est une connaissance que j'ai, et une fille de mon âge, c'est Eve Périsset en fait. C'est une des latérales du PSG qui est depuis peu en équipe de France, que je trouve vraiment dans le jeu hyper efficace et très simple. Oui. Et que ce soit en dehors ou sur le terrain, je la trouve très gentil, très agréable. Donc On va conclure, les enfants, juste pour te dire que oui, la radio est juste à côté du stade, donc tu seras le bienvenu. La bienvenue, quand tu veux. Bon, excuse-moi, j'ai l'habitude. Elle aura besoin d'une petite opération avant. Mais tu es la bienvenue quand tu veux. Évidemment. Derrière toi, on a Emeline Laurent, un petit message à lui faire passer. Ouais, c'est la soirée relais féminin ce soir. Ouais, on enchaîne. C'est le quoi, 4 fois ouais, j'ai un petit message pour Emeline. Vous lui souhaiterez un bon anniversaire. C'est pas aujourd'hui, Oui, je dirais que j'ai dit ça, elle va comprendre. Pas de problème. Merci beaucoup, Andra. Et merci. Je pense qu'on peut s'associer à pas mal de l'équipe de Gironde Analyse et à pas mal aussi de supporters des Girondins pour te remercier, pour vous féliciter, pour te féliciter, vous féliciter. Et puis, ben, voilà, vous avez le maillot marine et blanc avec le scapulaire dessus. Il a la même valeur que celui des garçons. Donc, voilà, félicitations. Et puis, bravo à vous d'avoir porté fièrement ce maillot pendant votre première saison en première division. Ben c'est gentil, merci beaucoup à vous et à tous ceux qui nous soutiennent. Et un petit coucou du coup aux Marine et Blanc. Merci. Merci Andrea. Merci Andrea, bonne soirée et bonnes vacances. Merci, vous avez un match amical improbable dimanche, c'est ça? Oui, un match de bienfaisance contre Toulouse, oui. D'accord. De bienfaisance. De bienfaisance, okay. Oui, parce qu'on avait compris match amical, on n'avait pas compris de bienfaisance. C'est dans un état d'esprit amical, on va dire. Voilà. Oui, de bienfaisance, c'est-à-dire que c'est pour une association, si c'était juste un match amical comme ça, franchement, on ne comprenait pas le délire. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Elle ne va pas s'empêcher de taquer. Voilà, c'est un match de gala. Hein, donc, pas trop dur sur l'homme, comme on dit, vu que tu es très combative. Ouais, non, moi jamais trop. Ouais. Je suis jamais trop agressive non plus. Donc, ce sera tranquille. Merci beaucoup, André. On va te souhaiter une bonne soirée, de bonnes vacances. Et puis, à l'année prochaine avec les couleurs marine et blanche. Avec plaisir. Merci beaucoup, André. Bonne soirée. Ciao.